Plage 10, le nettoyage de votre choix. Même si je le regrette bien, je ne vous connais pas personnellement. Pas plus que les détails de votre vie. Mais peut-être désirez-vous nettoyer d'anciennes mémoires handicapantes concernant un thème que nous n'avons pas abordé et qui est propre à votre histoire. Il peut s'agir d'une phobie, d'une addiction au tabac, à l'alcool, à la drogue ou à d'autres substances. Un problème de poids, en trop ou pas assez. Un deuil, une mauvaise habitude, un événement traumatisant de votre vie. Tout est possible. Alors, pour remédier à cette mémoire erronée, faisons ensemble Ho'oponopono. Vous êtes toujours au pied de cet arbre que vous avez choisi. Gardez les yeux fermés et respirez profondément, calmement. Sentez les racines qui sortent de votre premier chakra et qui s'enfonce dans la terre sur laquelle vous êtes assis. Vos racines fusionnent avec celles de l'arbre. Vous êtes solidement ancré dans le sol. À présent, gardez votre esprit focalisé sur le sujet qui vous intéresse, ou bien sur le fait précis dont il est question. Ne jugez pas. Ni vous, ni la situation, ni éventuellement les autres personnes concernées. Ne culpabilisez en rien. Pensez-y, tout simplement, sans forcer et sans chercher à obtenir de solution ni de résultat. Maintenant, vous allez pouvoir faire votre déclaration personnelle à voix haute. Prenez le temps de la faire entre chaque élément. Ressentez ce qu'elle provoque en vous. Créez-la de manière positive et optimiste, en vous demandant pardon à vous-même, en vous remerciant de tout votre cœur et en exprimant votre amour envers vous, envers les faits et l'univers. C'est à vous. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Maintenant, nous allons faire Ho'oponopono à voix haute, ensemble, alors que vous demeurez focalisé sur le domaine que vous avez choisi de nettoyer. Encore une fois, ne demandez rien et ne jugez rien. Simplement faites Ho'oponopono. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Ressentez le poids de cette situation diminuer et la légèreté vous envahir progressivement. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Vous vous libérez peu à peu de votre ancienne mémoire. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Même si le souvenir reste, les effets de cette situation ont complètement disparu. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Voilà, vous l'avez fait, par vous-même. Vous avez nettoyé cette ancienne mémoire et vous vous êtes libéré des effets qu'elle avait sur vous. À présent, laissez les choses se faire. Suivez votre instinct et posez les actions nécessaires qui vous viendront en tête. Vous constaterez rapidement que les choses ont changé en vous et autour de vous. N'hésitez pas à recommencer ce nettoyage plusieurs fois par semaine. Progressivement, vous allez vous ouvrir à l'être que vous avez toujours été et qui ne demandait qu'à vivre. À vivre dans l'amour, la paix, la facilité, l'abondance, le bien-être. Vous le méritez tellement. Alors, saisissez cette chance d'être enfin qui vous êtes en réalité et continuez à nettoyer, nettoyer, nettoyer.